Elle est jeune et rieuse et chante sa chanson. Et, pieds nus, près du lac, de buisson en buisson, poursuit les vertes demoiselles. Elle lève sa robe et passe les ruisseaux. Elle va, court, s'arrête et vole, et les oiseaux, pour ses pieds, donneraient leurs ailes. Victor Hugo. 5. C'est une histoire d'amour et d'inconstance, comme il y en a tant de par le monde. Qui dit amour, dit femme. Quant à inconstance, on peut être femme, voire même jeune et belle, et être inconstante. Cela s'est vu, rarement peut-être, n'importe. Quelques exemples en font foi. Moi qui vous parle, j'en connais deux. Pour le moment, je n'en citerai qu'un. C'est celui que Gêne racontait à ces deux dames, qui l'écoutaient bien diversement, je vous assure. Berthe, le cou tendu, l'œil fixé sur son mari, aspirait, pour ainsi dire, chaque parole qui sortait de sa bouche. Alphée, la tête basse, semblait laisser à dessein son beau front caché sous les boucles nombreuses de sa chevelure noire. Une crainte ingénieuse glissait sur sa figure à mesure que l'histoire avançait. La voici. C'était sur les bords de la mer, une fraîche habitation, une veuve et sa fille y demeuraient. La jeune fille, Julie, avait 15 ans. Alexis, un bon et aimable jeune homme des environs, au cœur sensible, à l'âme exaltée, l'aimait avec passion et en était payé de retour. Du moins, le croyait-il. Un beau jour, il tomba malade de cette maladie horrible, atroce, qui vous prend au corps, vous creuse, vous rougit la peau, vous grossit les traits. Maladie qui fait d'un jeune et frais visage une laide et fanée figure. Alexis eut la petite vérole. Pendant qu'il souffrait, que, se roulant sur un lit de douleur, le pauvre amant pensait à sa Julie, un étranger fut reçu chez la veuve. Julie le vit. Son cœur inconstant changea bientôt. Elle le trouva plus aimable, plus beau que l'autre. Et voilà qu'elle l'aima, la capricieuse fille. Et cet étranger, lui aussi, se prit de passion pour elle. Car elle était belle comme un ange. Elle avait des regards qui enivraient et des paroles qui allaient à l'âme. Une après-dînée d'automne, deux femmes se promenaient dans une grande allée de peupliers devant l'entrée du château. L'une des deux était encore jeune, la seconde échappait à l'enfance. Ses traits en avaient l'ingénuité, bien qu'une certaine coquetterie leur donnât le piquant d'un âge plus avancé. « Maman, dit la plus jeune, Alexis est guéri, je l'attends ce soir. »« Ah, tant mieux !»« Moi, je dis tant pis. » « Pourquoi, ma Julie ?»« Ne prends pas ton sérieux, bonne maman. J'ai à te parler. N'intimide pas ta fille. » Et prenant un petit air craintif, mignard, la jolie enfant passa ses bras autour du cou de sa mère. Elle colla son visage contre le sien. « Voyons, parle, ma fille !» répondit la bonne mère, ne pouvant résister au désir de baiser ce front charmant qui s'offrait à ses lèvres. « Que je t'aime, va, maman !» « Écoute-moi bien. Alexis est le premier homme qui m'ait fait la cour. C'était au sortir du couvent. Je trouvais cela très joli d'avoir un amoureux, un adorateur à ma suite. Mais, vois-tu, je n'y attachais aucune importance. Il me suppliait de lui dire que je l'aimais. Et moi, qui voyais la peine que cela lui ferait si je le refusais, je lui disais ce qu'il me demandait, en riant, en badinant. Et lui, il a tout pris au sérieux. Enfin, maman, que te dirais-je? Voilà le plus difficile. Parle du courage, ma Julie. Ne suis-je pas ta meilleure amie? Alexis est tombé malade. Il y a 2 mois que je ne l'ai vu. Depuis, tu sais ce jeune étranger qui nous est recommandé. Eh bien, maman, je crois que je l'aime. Ce dernier mot fut à peine articulé. Et lui? Oh, lui, j'en suis sûre. Mais, hélas, Alexis revient ce soir, il est vif, emporté. En vérité, je ne sais comment faire. Tu ne m'as donc pas tout dit, Julie. C'est vrai, maman, j'avais promis à Alexis de l'épouser si tu y consentais. J'ai mal fait, j'ai bien des torts à me reprocher à son égard, car Alexis est un honnête homme, et je l'ai trompé. Ta confusion me prouve, mon enfant, que mes reproches seraient hors de saison. Le mal est grand, tu as été légère et coquette avec ce jeune homme, mais tout peut encore se réparer. Tu attends Alexis, déclare-lui la vérité, c'est ton devoir, il faut le remplir. Julie, rêveuse peut-être pour la première fois de sa vie, laissa en aller sa mère sans la retenir, et, s'asseyant sur un banc de pierre, au milieu de l'allée, elle se prit à réfléchir. Un jeune homme, dans le costume négligé d'un voisin, s'approcha d'elle. Julie rougit à son approche. Le jeune homme était grave. Il tenait une lettre ouverte. Il la présenta à Julie. « La connaissez-vous ? » lui dit-il. « Vous ne l'avez pas lue ? » dit vivement Julie, étendant la main pour saisir ce papier. « Pardonnez-moi, mademoiselle. Elle était ouverte, sans adresse, sans signature. Je l'ai lue. J'en suis désolée. »« Mon Dieu ! Qu'allez-vous penser de moi, monsieur ? » dit Julie, cachant son visage dans ses deux mains. « Il y a environ 2 mois, mademoiselle, je vous vis alors pour la première fois, et le destin de ma vie fut décidé. Je vous demandais si votre cœur était libre. Vous souvenez-vous de votre réponse, Julie ? Elle releva mon courage, elle me donna l'espoir de vous plaire un jour. Cet espoir, je le croyais réalisé, lorsque ce matin, me promenant ici dans cette allée sous votre fenêtre, voici ce que j'y ai trouvé. » Profitant de la confusion de Julie, qui n'osait ni parler, ni lever les yeux, le jeune voisin se mit à lire cette lettre, tout haut. « Julie, que de jours écoulés depuis que je ne vous ai vue, qu'ils étaient longs ces jours passés loin de vous. Mon ami, j'étais bien malade. La fièvre dévorait mon corps, un mal affreux brûlait mon sang, le calcinait dans mes veines, et dans mon délire, dans toutes mes nuits sans sommeil, votre image seule, Julie, se présentait à mon imagination et calmait mes sens. Je vous voyais, belle, comme le premier jour où vous m'êtes apparue et où je crus voir un ange céleste. Il me semblait entendre votre douce voix me dire « Vivez pour moi, Alexis !» Et je m'efforçais de vivre, et j'appelais à mon aide mes forces épuisées et ma raison qui s'en allait, et je cherchais dans mon sein quelque lueur d'existence, et je m'écriais « Mon Dieu, je ne veux pas mourir. Prends en pitié mes jours, j'ai une Julie à aimer, à adorer. J'ai une Julie qui fait mon bonheur, ma félicité sur cette terre. Et quand on a une Julie, on ne meurt pas, n'est-ce pas, mon Dieu ? Aussi, j'ai échappé comme par miracle à cette horrible maladie, et cela parce que ton nom était toujours sur mes lèvres, et que la mort même respectait des lèvres qui prononçaient ton nom chéri, Julie. Mon ami, j'ai bien peur que ma vue ne vous effraie, j'ai bien peur que vous ne me reconnaissiez plus, car vous saurez que ce fléau a fait sur moi un ravage épouvantable. Je suis laid, fort laid, presque hideux à voir. Ma figure est difforme. Toutefois, de grâce, oh, par pitié, que vos yeux ne s'arrêtent pas sur moi avec dégoût, Julie. Prenez-y garde. Mais quelle idée ! Pardonnez-la, je sens que je vous offense. Que voulez-vous ? C'est un dernier accès de fièvre, un de ces moments de sombre mélancolie qui saisissent mon âme quand je suis loin de vous. Assez, assez, monsieur, interrompit Julie, pâle, d'une voix faible. Le jeune homme eut pitié de la souffrance répandue sur le visage de Julie. Il se tut. « Je dois vous paraître bien inconséquente, bien légère, n'est-ce pas ? » ajouta la jeune fille après un moment de silence. Le jeune homme ne répondit rien. « Du moins, je serai franche, monsieur. Voulez-vous me suivre près de ma mère ?» Silencieux, l'étranger accéda à son désir. Tous deux retournèrent au château. La conversation fut longue entre ces 3 personnes. Toutefois, la jeune fille eut beau pallier les torts de son caractère léger. L'étranger la quitta, non convaincu que peut-être, un jour, il ne lui en arriverait pas autant.